on a du courrier après à faire. Mais pour démarrer dans, dans la bonne humeur quand même, est-ce qu'on pourrait écouter le poème pour notre patron Axel qui nous écoute et, bon, de toute manière, je lui présente déjà toutes mes félicitations pour qu'il vienne. Donc toi, nouveau PDG. Attends, devant ton micro bien et proprement parce qu'il écoute là. Non mais... Silence. Abouche-toi au standard. On y va. Axel, toi, nouveau PDG de Fun. Toi, nouveau PDG de Fun Radio. Toi, nouveau non, PDG. Devant ton micro. Le... Toi, nouveau PDG. J'espère que tu resteras longtemps. Toi, Axel, j'espère que tu resteras longtemps. Toi, Axel, j'espère que tu pourras continuer longtemps. Et j'espère que tu pourras me laisser faire des libres antennes avec Max, comme tout habituel. Je l'espère. Oh. Ouais. Donc, Axel, c'est Gérard de Suresnes qui te le dit. Donc, si on est d'accord, on peut signer un petit contrat et je continuerai mes débats. Sinon, j'arrête dès ce soir. Voilà. L'excuse quand même. L'excuse. Oh, tu m'étonnes ça, quoi. Bien. Bien, mais un peu l'excuse quand même, Gérard, ce soir. L'exclus quand même un peu. Non. Si, un peu l'exclus. Non, de toute manière, j'ai inventé, de toute manière, c'était même pas prévu que je fasse ça. Non, hier, t'es venu, on avait dit que tu ferais un poème. Ouais, mais. T'as rien fait, l'exclus. J'ai fait un truc un petit peu au hasard.